Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Eddie King. Yo yo yo, what's going yo, on? Yo Eddie, ça va toi ou quoi? On est là tranquille, hein. On est là, yes. On est là. Ça fait vraiment plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir, c'est cool, c'est cool comme concept, j'aime bien. Ah ben ça me va droit au cœur, j'aime bien quand les humoristes comme ça discutent, tu vois, dans les loges et tout. Je me suis dit que j'allais transposer ça dans un podcast et je suis vraiment ravi de pouvoir écouter, recueillir et partager avec nos auditeurs tes anecdotes de scène justement. Tu en avais une ou plusieurs à nous raconter? Ouais, j'en ai peut-être une ou deux, une ou deux. Ouais, en fait, tu sais, nous, les galères, la plupart d'entre nous, les galères d'humoristes qu'on a, en tout cas, nous, ici, à Montréal ou au Québec, c'est souvent, ça arrive dans ce qu'on appelle les shows corporatifs, les shows corpos. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est très répandu en France, parce que, en fait, les shows corpos, c'est simple, c'est des entreprises qui font soit des congrès, des conférences, des choses comme ça, ou bien des soirées de Noël, et pour divertir les employés et tout, bah, ils décident de faire un spectacle. Tu sais, soit des fois, ils invitent de la musique, soit ils invitent voilà, un groupe de musique ou un DJ ou quoi que ce soit. Et des fois, en tout cas ici, c'est la mode où est-ce qu'ils invitent souvent un humoriste, tu comprends? Comme c'est un truc corporatif, tu n'es pas tout le temps dans les meilleures conditions, tu comprends? Surtout quand tu es en début. Tu sais, plus tu avances dans ta carrière et plus tu as de la notoriété, là… Là, ça va, tu as du respect, les conditions sont bien et tout. Tu vois, t'es bien reçu, bien logé, bien nourri, voilà, et toutes tes demandes sont respectées. Mais quand tu débutes, frère, vas-y. Ah ouais, le manque de respect, il est chaud. Ouais, mais je comprends. Ben, tu vois, les shows corporatifs, il y a beaucoup d'humoristes québécois surtout qui m'en ont parlé. Et c'est vrai qu'en France, il y en a un petit peu moins. Il y en a quand même, hein, je le rappelle pour les auditeurs qui n'ont pas écouté les autres épisodes. Ce sont les shows pour… donc, quand on joue un spectacle pour un comité d'entreprise. Et le truc, c'est que ce n'est pas très répandu, tu as raison, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça se fait plus un petit peu sous le manteau, quoi, tu vois, genre vraiment discrètement et tout. Et ce ne sont pas les humoristes débutants ou semi-pro qui le font, ce sont quasiment uniquement les confirmés, tu vois. C'est-à-dire, ils vont carrément débourser des dizaines de milliers d'euros pour avoir une soirée spectacle avec, je ne sais pas, Gad Elmaleh. Selig m'a raconté une anecdote où il en avait fait un aussi. Tu vois, voilà, c'est des mecs établis, en fait, qui vont faire ça. Et en général, ça se passe mal pour tout le monde, hein, que ce soit au Québec ou en France. Parce que, comme tu l'as dit, les conditions, voilà, les conditions sont pas bonnes. Parce que même si on te met les conditions matérielles, c'est-à-dire que tu demandes telle chose, tu les auras, il n'y a pas de souci. Par contre, pour choper l'attention du public d'un show corporatif, là, c'est très compliqué, je pense. Ça ouais, paye très, très bien, tu comprends. C'est le seul avantage. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle les humoristes continuent de le faire. C'est que vraiment, c'est payé, mais on va dire, enfin, je pense que ça doit être payé peut-être 10 ou 15 fois plus qu'un show classique, quoi, peut-être. Ouais, allez, 10 fois, on va dire 10 fois. Et en fait, tu vois, c'est ce qui rend les conditions difficiles, c'est que quand tu arrives dans le truc, souvent, ils t'invitent à faire un spectacle dans un endroit qui n'est pas propice à un spectacle d'humour, tu vois. Parce que beaucoup de gens, ils ont dans l'idée que l'humour, ben, vu que tu racontes des blagues, ça peut aller partout. Mais si tu es dans une salle de banquet, vas-y, le plafond, il est haut, les tables, elles sont espacées, tu es sur la piste de danse, puis tu sais, il y a comme 3-4 mètres entre les premières tables et tout, ça résonne, le système de son, il est pas équipé pour ça, tu vois, des fois aussi, avant ça, ils ont fait un tirage au sort pour gâter, il y avait comme une espèce de tombola avant, et après les gens ne calculent pas, ou les gens, c'est pendant qu'ils sont en train de manger que tu dois faire le truc. Toutes ces conditions-là font en sorte que, hey, quand tu y vas, c'est la guerre. Maintenant, ça te forge en tant qu'humoriste, tu vois, parce que tu auras vu toutes les conditions. Il y a un truc que moi, j'ai appris. Il y avait une fois où est-ce que j'avais fait la première partie d'un humoriste américain qui s'appelle Donald Rawlings. Okay. Ah, Donald Rawlings, oui, c'est celui qui travaillait avec Dave Chappelle. Exactement. Exactement, wow. Sur Chappelle Show. J'avais ouvert pour Donald Rawlings et puis on était plusieurs. Et la plupart d'entre nous, j'étais le seul gars de Montréal. Les autres gars, c'était des collègues à moi de Toronto. Il y avait Trix, il y avait Jean-Paul et tout, tu comprends. Et c'était des promoteurs. C'est pas un corpo, mais c'était un peu comme un corpo, tu vois. Ça faisait l'ambiance des corpos parce que c'est des promoteurs de Montréal qui avaient décidé de faire le spectacle en profitant qu'il était déjà en ville pour le festival Juste pour rire. Mais comme il y a déjà beaucoup de spectacles en même temps, tu comprends? Je pense qu'entre autres, Chappelle était là. Je pense que le même soir, il y avait Bill Burr qui faisait je ne sais pas combien de shows dans la même soirée. Donc, remplir cette salle-là, c'était compliqué, tu vois. Mm-hmm. Funny enough, il y avait même il n'a pas joué, mais Donnell Jacksman était là ce jour-là aussi. On était ensemble, on avait été ensemble ce soir-là, tu vois. D'accord. Et la salle, c'était à l'Olympia. Et l'Olympia, normalement, ça prend 1000 et quelques personnes, tu vois. Et il y avait genre 200 personnes avec des tables en mode cabaret, tu vois. Donc, la salle, elle avait l'air vide. Et c'est ça qui donnait un peu l'ambiance un peu corpo. Et en fait, tous les gars qui sont passés avant, et je te dis, c'est des tueurs, quoi, tu vois. On a tous galéré de ouf, tu vois. Hey, Jean-Paul, c'est un vétéran. Franchement, moi, mes premières armes, c'est grâce à Jean-Paul. Entre autres, Jean-Paul, il tourne et il écrit pour Russell Peters. Ah oui, il a des choses sur Netflix. Il a joué dans le monde entier, ce mec-là. Et donc oui, si c'est quelqu'un qui est OK pour lui, ça montre ouais. un peu que c'est quelqu'un qui tient la route et qui a du métier depuis, qui a de la bouteille, quoi. Non, Jean-Paul, à mes débuts, il m'a beaucoup mentoré. En plus, c'est marrant parce qu'il s'appelle Jean-Paul, mais il a rien de français. Il parle pas un mot de français. C'est un Trinidadien et il s'appelle Jean-Paul. Ah ouais, c'est bizarre. ouais. Et Trix, he's a powerhouse. Et je pense, celui qui s'en est le mieux sorti. Tu vois, Trix, c'est le genre de. Tu sais, il y a certains humoristes derrière qui j'aime pas passer. Mm-hmm. Trix en est un. Si jamais tu passes après Trix sur une scène, il reste rien. Le mec, il a tué tout le monde. C'est un truc de ouf, tu vois. Et même lui, tu vois, il a galéré. Il s'en est mieux sorti que tout le monde, mais il a galéré et tout. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Mais comme j'étais dans ma ville, j'avais quand même un certain avantage et tout. Et quand Donnell Rawlings, il est arrivé, ouais. Il a fait un truc qui m'a tué. Il a vu comment le setup était. Puis ça, c'est une grosse leçon que j'avais appris. Le mec, il n'était pas sur scène. Il est descendu dans la foule. Mmh. Et puis, comme je te dis, c'était des tables en mode cabaret. Il est descendu dans la foule. Et il a dit, ah, tu sais quoi, je vais faire les blagues table par table jusqu'à ce que je vous ai tous dans ma poche. Waouh, j'avais jamais vu ça. Gars, quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Et à partir de là, j'ai dit, comme les corpos, c'est beaucoup dans ce mode-là. Quand je suis dans un mode cabaret comme ça, mmh. Et qu'il y a des tables et tout, et ben c'est exactement ce que je fais. Genre, je mets pas de distance entre les gens et les tables les plus gênées, ben je vais à table avec eux, je leur parle direct, je fais mes blagues là, je passe et tout, et après ça met l'ambiance et ça fout le feu, tu vois. C'est là que t'arrives à maîtriser la foule. Mais ça, c'est des trucs que t'apprends au fur et à mesure, tu vois. Mais à mes premières années, frère, c'était chaud, chaud. Je pense que mes deux pires corpos, c'était quoi? C'était il m'avait engagé, c'était pour une compagnie qui tient des, en fait c'est qui tient plusieurs, une chaîne de marché de supermarché, tu vois. Et d'accord. C'était la soirée de Noël de leurs employés, tu vois. Et mm-hmm. J'arrive sur place et la dame responsable, elle veut me rencontrer. Puis elle commence à parler avec moi, elle dit ah bonjour Monsieur Eddie King, j'adore ce que vous faites, j'ai vu vos vidéos sur YouTube, c'est hilarant et tout. Mm-hmm. Et voilà nous voilà donc là c'est le party de Noël de notre compagnie, mais nous écoutez on n'appelle pas ça un party de Noël, on appelle ça un party du temps des fêtes parce qu'on respecte les gens et leur religion et on sait que c'est pas tout le monde qui fêtent Noël, donc on a ce respect-là et on appelle ça un party du temps des fêtes. D'accord. Là, je dis ok, all right. J'dis, même réaction toi, je fais ok, all right. Puis, ouais. ça a l'air bienveillant, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Mais des fois, il faut se méfier des gens, ils sont. Des fois, il y a bienveillance, mais il y a bienveillance trop abusée, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que ouais. je veux dire. En même temps, c'est Noël, tu vois ce que je veux dire. Hey, ça fait je sais pas combien de temps que Noël, c'est plus religieux, c'est commercial, tu vois. Je veux dire, le Père Noël, il n'est pas dans la Bible. Hein. c'est vrai, c'est une invention de Coca-Cola, ce truc, tu vois. Bon, voilà. Ouais. Alors, tu comprends. Faut se méfier un peu, quoi. Et j'ai eu raison d'avoir ce sentiment-là, parce que les phrases qui ont suivi après, elles étaient horribles. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit oui, voilà, c'est à partir du temps des fêtes. Et nous, à chaque année, on a un thème. Et elle me dit, et le thème de cette année, ben, mm-hmm. c'est la glace au chocolat. Non. Et elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, donc vous comprenez pourquoi on a fait appel à vous. Non, j'ai eu peur quand j'ai entendu glace au chocolat. J'ai dit non, ça peut pas être ça. Non, elle a osé. T'as très bien entendu. Non, oh Très là là bien là entendu. là. Et Oh t'es mon Dieu! Oh mon Dieu! frère, t'es en début de carrière, tu sais même pas comment gérer ce genre de situation-là. T'es comme, mais qu'est-ce? Et c'est pas genre, elle m'a prévenu, on m'a prévenu d'avance ou quoi que ce soit. J'étais là. Je montais sur scène, genre 10-15 minutes après. Et ça s'arrête pas là. La meuf, elle m'a dit quoi? Elle me dit, ouais, donc là, donc vous savez pourquoi on a fait appel à vous? Et là, moi, comme un crétin, genre, je fais, bah, pas comme un crétin, mais juste pour être sûr que j'ai bien entendu, je dis non, pourquoi? Et tout excité, elle me dit, eh ben, vous êtes le chocolat de la soirée. Frère, je suis comme, mais non, c'est quoi ça? Elle dit, Là le chocolat de la soirée. Et après, elle me dit, mais j'ai déjà tout préparé et tout. Elle dit, je vais vous présenter sur scène. Et quand vous allez être sur scène, vous allez être caché derrière. Elle avait fait comme une grosse boîte en carton une réplique d'une boîte de chocolat Lindt. Oh là là là là, non! Et derrière ça, je vais vous annoncer et on va lever le truc. Je fais, oh là là là là là. Oh mais tu sais quoi, là je crois que ton anecdote dépasse toutes les autres que j'ai pu entendre jusqu'à présent, parce que là on est dans le, tu sais, c'est comme les histoires, tu sais, les gâteaux en France, les gâteaux Bamboula et tout, tu sais, Ouais. c'est la même chose, ou les têtes de nègre, tu sais, les petites, je sais pas comment ils appellent ça au Québec, mais genre tu sais, c'est des espèces de petits gâteaux genre chocolat fourré avec une sauce machin, et donc ils appelaient ça, pardon, des têtes de nègre, tu vois. Et vraiment, enfin je veux dire, ça a fait un scandale et tout, et heureusement. Et là, je veux dire, là on est pas loin du même niveau là. Non, non, Ah. non, c'est un truc de ouf. J'arrive sur scène et tout. Frère, non seulement ça, mais en plus, c'est même pas comme si le spectacle s'était bien passé. Les gens qui étaient là n'étaient pas là pour ça. Elle est venue, elle m'a fait jouer pendant un cocktail où est-ce que les gens, ils faisaient du networking. Donc, Oh. personne ne me calculait. Les gens parlaient entre eux. Je devais faire une demi-heure. Frère, Ouais. j'ai fait une demi-heure dans ce que j'appelle, moi, le mode schizophrène, où est-ce que tu te parles à toi tout seul. Oui, le pilote automatique, quoi. Exactement. Où est-ce que, voilà, et tout. Et puis Oh après, là là. voilà. Et ah non, c'était un truc de ouf. J'ai jamais eu ça. J'ai juste une question par rapport à cette anecdote. Est-ce qu'elle t'a Ouais. payé en dollars canadiens ou est-ce qu'elle t'a payé dans une monnaie africaine? Mais t'es ouf, frère. Elle m'a payé en dollars canadiens, bien comme il faut. Parce que, Enfin, je veux dire, est-ce que t'aurais pas dit vraiment là, elle a dépassé la limite si elle t'avait payé genre dans une monnaie, j'en sais rien moi, tu sais, en dirham ou tu vois? mais frère, elle a dépassé la limite, ça fait longtemps là. Tu comprends? Oui, Ça fait longtemps. j'avoue qu'on n'était plus à ça près. Ah Oh. ouais, ça fait longtemps. Et je te jure, en plus, tu sais, c'est vraiment, elle m'a comme on dit, blindside avec le fait de, ouais, c'est pas un party de Noël, c'est un party du temps des Ouais, fêtes, mais ouverture d'esprit, la meuf, elle est super woke. Mon frère, ouais. non. Comment tu peux passer de ça à vous êtes notre chocolat ce soir? C'est incroyable. Et toi, tu es là, tu as signé un contrat, tes agents, ils ont signé un contrat et tout. Et ouais, en fait, tu vois, tu es comme, et tu peux pas, tu sais, le scandale que ça aurait pu faire si je dis non, si, tu sais, en fait, tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais vu comment gérer ça. Mais quand ça fait genre peut-être un an ou deux que tu es dans le game, Ouais, t'as pas le background nécessaire pour ah vraiment. bah oui. Exact, t'as pas, tu sais pas ce que tu peux faire. Est-ce que si tu dis non, est-ce que ils vont te poursuivre en justice? Est-ce que ceci, tu vois, t'as cette pression-là, tu vois. Mais ouais, non, non, des trucs de ouf. J'ai eu ça, j'ai eu une espèce de ce qu'on appelle nous une PME. Nous, PME ici, c'est petites et moyennes entreprises, tu vois. Oh, c'est pareil en France, pareil. Ah ouais, vous avez ça aussi, ok. Donc c'était une petite PME avec peut-être un peu plus qu'une centaine d'employés. Voilà, qui font des portes et fenêtres et tout. Et Ouais. ils m'ont engagé pour aussi leur fête de Noël, tu vois. Et D'accord. nous, en fait, c'est que c'est un gros rush à Noël. On est tous occupés. Nous, on a deux gros rushs dans l'année ici. C'est pendant le festival et pendant la période des fêtes, parce que on a des. En fait, c'est avec ça qu'on gâte les enfants avec les cadeaux de Noël, tu vois, avec l'argent des corpos. Ouais, mais je comprends, ouais. C'est les deux grosses périodes et tout. Bah, c'est comme les magiciens. Ici, pareil, tu vois. Les magiciens, bon, eux, ils n'ont pas l'équivalent du festival juste pour rire. je pense pas qu'il y en ait en France ou quoi, mais les magiciens, le temps de Noël et tout, laisse tomber, c'est là où ils font leurs chiffres, hein. Ils balancent à fond, et sinon, ils font aussi en été pas mal dans les campings, mais l'humour dans les campings, je crois pas trop que ça marche au niveau du Québec, je sais pas. Je sais pas, jamais essayé, non, je pense pas, je sais pas, j'en sais rien. D'accord. Okay. Moi, je m'aventure pas comme ça dans la nature, donc. Ah, mais j'avoue, ouais. Et donc, ouais, donc il faisait des fenêtres. Bon, ça va, là, il n'y avait pas d'histoire de glace au chocolat, au moins. Attends, là, j'arrive là, et les deux responsables, elles viennent, elles viennent me voir, me dire, ah, Monsieur Diking, on est vraiment content de vous avoir ici. Ça fait vraiment plaisir, on vous trouve vraiment drôle et tout. Et voilà, alors je vous explique, c'est ça, elle m'explique un peu le déroulement de la soirée, comment ça va se passer et tout. Et après, elle me dit quoi ? Elle me dit, bon, là, je veux juste vous prévenir que notre patron, il est un peu raciste. Un petit peu raciste. Je ne sais pas c'est quoi qui est le plus drôle. Est-ce que c'est le mot raciste ou c'est le mot un peu ? Alors, pourquoi c'est moi que vous avez pris ? Elle me dit, non, mais en fait, c'est que... Je vous explique, c'est des blagues un peu bizarres qu'il fait. Il est un peu raciste, il est un peu homophobe et un peu misogyne. Oula, ah oui, joli cocktail. Voilà, et j'ai été OK. Il dit, mais écoutez, genre, ça devrait bien aller. Voilà, c'est juste un mec, c'est un bouffon qui fait que des blagues racistes tout le temps. Voilà, mais il fait le bouffon un peu. Mais voilà, tu vois, il est pas méchant. C'est un beauf, quoi, comme on dit en France. Voilà, exactement. J'arrive, je commence une blague. Rien. Deux blagues, rien. Trois blagues, rien. Les gens, ils me regardent les bras croisés. Mais donc, les bras croisés, genre, voilà quoi. Et au final, là, je dis, hey, tu sais quoi, si c'est ça, je regarde le patron, je fais, alors comme ça, vous êtes un raciste. Commence à rigoler de ouf et tout. Et là, je commence à le tailler. Hey, pendant une demi-heure, j'ai fait que ça. Je l'ai enchaîné une demi-heure. Et en fait, exact. Et c'est ça que le public voulait. C'est pour ça qu'ils étaient si quiet et qu'ils m'ont pris moi. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont marre. Et ils me disaient des trucs de ouf. Ils me disaient des trucs. Ils disaient, ah, comme ça, les racistes. Ils disaient, ouais, je suis raciste, mais pas contre les Noirs. Et moi, c'est les musulmans. Est-ce que je ne suis pas capable? Après, j'ai commencé à lui faire des trucs genre, ouais, vous avez une fille, ouais, elle dit, ah, moi je vous dis, elle va vous ramener un musulman, ah, soyez prêts, hein, et tout. Ah ouais, et je commençais à l'enchaîner, tout ça. Donc, le mec, il était donc raciste, homophobe, misogyne, islamophobe. Donc, le mec, il collectionnait la totale. Il vendait fenêtres, tu m'as dit. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité, tu penses, d'acheter une fenêtre, mais pour le faire passer à travers? Je te jure, on aurait dû, en fait, tu vois. Moi, je suis chaud. Ma parole, je la finance, la fenêtre. C'est pas un souci. et en fait, au final, c'était bon délire parce que moi, ça m'a fait plaisir de ouf de l'enchaîner comme ça. Et lui, en fait, il se prêtait au jeu. Il rigolait de ouf. Il rigolait de ouf. Le public aussi, je pense qu'ils étaient contents. Ouais, comme tu as dit, ils attendaient que ça. Donc, ouais. Tu leur as servi... En fait, toi, c'est-à-dire que tu as pu dire tout ce que eux ne pouvaient pas dire parce qu'eux, ils peuvent se faire virer. Toi, tu as un contrat, tu joues et puis tu t'en vas, quoi. Exactement. Ah, ah ouais, donc je pense que c'est les deux corpos les plus mémorables que je peux avoir parce que le reste, franchement, je t'avoue, on essaie d'oublier. Mais je te dirais que là, avec le confinement, les corpos en mode virtuel, ça marche de ouf. Oui, j'en ai parlé à quelques humoristes, ils m'ont dit que carrément des fois ils jouaient dans des théâtres vides et que les gens les voyaient sur scène et tout, donc à travers l'écran de leur ordinateur. Ça va, pour moi c'est moins grave que de jouer dans son salon en pyjama, tu vois. Non mais en fait moi je préfère encore être dans mon salon et je joue en pyjama, je te jure. Ah ouais, vraiment ? Frère, t'arrives et tout. Ouais. Si les gens ils font les bouffons, tu mets mute. Tu les entends pas, tu es en pilote automatique. Au bout d'une demi-heure, tu as fini, tu retournes à regarder Netflix normal. Ouais, non, bah, je comprends, mais si tu veux, on va perdre quelque chose. Moi, c'était Martin Vachon que tu connais certainement. Ouais, en plus, j'étais avec lui samedi dernier, on avait un show ensemble. Ah, il est génial ce mec. On a fait un épisode ensemble et il m'a raconté qu'il avait joué justement. Du coup, il avait fait des corpos sur Zoom et tout, en pyjama et tout. Enfin, je veux dire, vraiment, moi, ça m'a choqué sur le moment. Mais c'est vrai que quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais je pense que tu vas te priver d'une partie de l'attention des gens parce que quand t'es sur scène et que t'es dans une vraie salle, même si les gens sont pas physiquement avec toi, au moins, c'est comme si c'était un DVD, tu vois. Alors que là, tu leur délivres quelque chose avec un fond derrière qui n'est pas neutre. Il y a peut-être tes enfants qui vont passer derrière toi. Et tout, on va entendre, je sais pas moi, le chien qui aboie, tu vois. Bah, dis-toi que, ok, pour les spectacles normaux, c'est-à-dire comedy club, théâtre et tout, je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a rien qui remplace ça, tu vois. Mm-hmm. Et quand ça vient au corpo, je te promets qu'un corpo, quand c'est en virtuel, c'est dans des meilleures conditions que quand tu le fais en vrai. C'est ça, c'est à ce point-là que les corpos, c'est horrible. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc l'inverse du spectacle vivant classique, quoi. Exact. Et moi, honnêtement, pendant la période des fêtes, même si c'est le rush pour tout le monde, j'essaye de ne pas faire plus que 4-5 corpos à la fois. Même encore là, 5, je vais t'épuiser mentalement, tu vois. Là, cette année, j'en ai fait genre, j'en ai fait 18, je crois. Waouh ! Ah oui, d'accord. Et je les enchaînais un par un et je suis chez moi, frère. Ah oui, d'accord. Et ça va, du coup, ouais, bonne expérience, quoi. Ouais, et tu sais, ça m'a aidé parce que ce qui m'a aidé, du moins, c'est Phil Roy. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Phil Roy. Bien sûr, on a fait un épisode ensemble. Voilà, et Phil, en fait, il avait fait… Oui, le Wi-Fi Comedy Club. Le Wi-Fi Comedy Club, et ça, c'est la première fois que j'avais joué en virtuel. Et franchement, ça m'a aidé à ne pas sombrer dans la dépression de « ouais, vas-y, confinement, on ne peut pas jouer ». Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a donné une alternative. Et ce que je trouve dommage, parce que quand je parlais avec les collègues français et tout, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts à faire ce move-là. Genre. Et en fait, ce n'est pas juste les collègues français, les collègues américains aussi, ils ne sont pas enclins à faire ce move-là du virtuel. Et on dirait que c'est que les Québécois, on dirait que je connais, qui ont vraiment genre, su tirer leur épingle du jeu en faisant beaucoup de virtuel. Ben, c'est vrai que le virtuel, c'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit facilement, mais je pense que dans les bonnes conditions, c'est possible de faire du bon virtuel. Par exemple, mais les bonnes conditions, t'es chez toi, frère. T'es chez toi. C'est ça les bonnes conditions. T'es chez toi, mon gars. Oui, j'avoue qu'être chez soi, c'est quand même un confort, je serais toujours en mode, est-ce qu'il y a possibilité de jouer sur une vraie scène avec un vrai micro, comme si les gens étaient dans la salle, en fait. Tu vois, je choisirais toujours ça. Évidemment, s'il n'y a pas le choix, je ferai autrement. Mais voilà. Y a un truc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais là, il y a quelques spectacles qui se sont faits depuis le début de l'année. Notamment, il y a eu Verino avec l'Inglorious Comedy Club et un plateau d'humoristes dirigé par Kev Adams et Gad Elmaleh. Et en fait, ce qu'ils ont fait, alors, Kev Adams et Gad Elmaleh, hein. Verino, je ne sais pas comment il a fait, mais Kev Adams et Gad Elmaleh, en tout cas, ils ont pris, comme pour la cérémonie des Victoires de la Musique, tout ça, c'est-à-dire ils ont pris du vrai public, il y avait des gens qui étaient assis avec distanciation sociale, avec masque, gel et tout, et les gens étaient assis et c'était des intermittents du spectacle, donc c'était un cachet pour eux, tu vois, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des spectateurs, c'était des gens qui travaillaient. Et l'avantage, c'est qu'après, ils ont filmé le spectacle avec de très bonnes conditions, je ne sais pas combien de caméras et tout. Ils ont fait ça propre et il y a eu, je ne sais pas moi, tu vas peut-être avoir, je ne sais pas, 40 000 personnes. Bon, quand t'es Gad Elmaleh, évidemment, tu vois. Je veux dire, tu vas peut-être avoir 40... Voilà, je ne sais pas combien de milliers de personnes se sont connectées, mais les gens se connectent, ils payent un droit de connexion et tout. Ils se connectent et ils voient le spectacle. Non seulement ils voient le mec sur une vraie scène et tout, mais ils le voient devant du vrai public. La seule différence, c'est que c'est du public, c'est peut-être des techniciens, des intermittents du spectacle et tout. Donc, ils font d'une pierre deux coups, tu vois. Ça permet d'offrir un vrai spectacle vivant aux spectateurs et ça permet aussi de faire des cachets aux gens qui n'en ont plus en ce moment, tu vois. Ah, mais c'est bien ça. C'est moi, par exemple, ce modèle-là, je suis à 200% pour. Mais ouais. J'espère qu'on n'aura pas besoin que ça se généralise parce que là, on espère voir le bout du tunnel. Dès que ça réouvre à Paris, dès que la culture réouvre, moi, je suis là, hein. Mais franchement, ouais, on attend que ça, on attend que ça réouvre, et puis on veut revoir les collègues. Toi, en plus, tu as la chance d'avoir la, comment dire, la double nationalité scénique, on va dire, tu vois, parce que tu joues aussi bien, t'es aussi bien à l'aise au Québec qu'en France et tout. Tu as les références des deux pays, donc tout va bien, hein, franchement. C'est l'avantage d'avoir grandi ici et après d'être allé travailler là-bas, d'être revenu jouer ici de temps en temps, tout ça. C'est bien d'avoir cette double nationalité scénique, c'est cool. Et donc tu as, enfin, je veux dire, tu as un nouveau spectacle en préparation là? Tu as essayé de roder quelque chose ou pas? Gars, moi, c'est bizarre, hein, mais pendant toute cette pandémie-là, j'ai pas écrit de ouf. Je viens de recommencer là à vraiment me mettre bien, bien à écrire et tout. Tu vois, c'est pour Ouais. écrire, il faut vivre un peu, il faut avoir un peu de vécu, tu vois. C'est sûr. Et ouais, je pense que c'était beaucoup d'entre nous, on a été un peu bloqués, tu vois. Et tu sais, quand je suis bloqué comme ça, au début, je voulais me forcer, mais je me disais, ah, tu sais quoi, force pas. Parce que c'est déjà, si tu commences à te mettre de la pression comme ça, déjà mentalement, c'est compliqué. De se préserver, tout ça, donc te mets pas cette pression-là. Donc voilà, mais là j'ai recommencé à écrire. Du fait que je suis parti au bled, ça m'a permis d'avoir un peu ce recul-là et de pouvoir me remettre à écrire, quoi. D'accord, même c'est bien d'avoir pu te ressourcer un petit peu. Et puis, de toute façon, quand tu es humoriste, quand tu es stand-upper, dès que tu vas quelque part dans un nouvel endroit, tu as forcément des blagues qui te viennent et tout. Donc, moi, je pense que ça va te permettre d'avoir du matériel frais. Tu vois, même si tu joues encore ton matériel validé, c'est normal, mais je veux dire, ça va te permettre d'avoir quelques petites touches de frais dans un matériel déjà testé. Exactement. Puis en plus, le pire, c'est que c'est même pas comme si j'ai écrit du matériel par rapport au voyage. J'ai écrit du matériel juste parce que j'avais la tête plus, les idées plus claires. Parce que j'ai voyagé. Tu vois, là-bas, je pensais même, frère, je pensais même pas au stand-up là-bas. Ah ouais, d'accord. Non, je pensais même pas. Je pensais même pas. J'étais juste en mode, vas-y, la bonne bouffe, la famille, le soleil. Voilà, c'est tout, hein. Ah, c'est bien d'avoir pu profiter comme ça. Moi, je sais que là, le Maroc, tu vois, moi, je suis marocain. Le Maroc, là, j'ai pas pu y retourner depuis 2019, du coup. Et ça me manque terriblement, vraiment. Ouais, mais le Maroc, c'est pas terrible aussi. Non, je rigole. Hein. Ouais, vraiment, t'es pas cool. On avait commencé sur un podcast sympa. Les humoristes, j'aime bien discuter avec eux et tout. Tu termines sur une guerre diplomatique là. Comment tu veux qu'on fasse? Maroc, bof, hein, franchement. Eh ben, écoute, moi je sais que toutes les personnes qui sont allées au Maroc, t'as peut-être déjà joué là-bas aussi, parce qu'il y a pas mal de Français qui vont jouer là-bas. Non, pas encore. Je suis passé au Maroc une fois en escale. Ouais. En escale, j'avais croisé Rachid Badouri, s'est croisé à l'aéroport et tout. Moi, je faisais une escale d'une journée et tout. Donc, c'est la seule fois que j'ai été au Maroc. D'accord. J'étais dans un hôtel. Dans un hôtel qui, Ah. on aurait dit, c'est un hôtel pour réfugiés. Non. On aurait dit un hôtel pour réfugiés et tout. Oh, mais. Mais ouais, c'est le seul moment. Puis après ça, c'était une escale pour aller au bled Ah, mais avec ouais, mais c'est dommage, parce que toi tu vas où, toi? Tu vas dans quel pays exactement? J'allais au Congo quand j'avais été. T'allais au Congo, mais je veux dire, les escales à chaque fois c'est le Maroc ou c'est d'autres coins peut-être? C'est la seule fois. Sinon, c'est la France. C'était juste vraiment là. J'avais eu Royal Air Maroc. D'accord. Ils avaient un vrai deal là. C'était vraiment genre, c'était donné. Je crois que c'était genre 800 dollars canadiens là Ouais. pour aller de Montréal à Kinshasa. À dire que normalement, c'est entre 1200 et 1500. Hein. Ah oui, donc oui, ça vaut le coup. Mais tu vois, si ça se trouve, le président de la Royal Air Maroc, il s'est dit, Eddie King, il n'est jamais venu chez nous, on va l'accueillir, il va dire du bien de nous derrière. Eh ben non, dans un podcast, tu dis que le Maroc est pourri, tu vois. C'est pas cool. En Non, plus, mais non, franchement, en plus, en restant. ça me donnait Ouais. envie de rester un peu puis visiter, tu vois. Ça Oui, avait l'air bien. mais du coup, t'es resté que 24 heures. T'as plus vu l'aéroport que le pays, tu vois. Je veux dire, au final, tu t'es basé juste sur le duty free. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage, c'est dommage. Mais franchement, je te conseille de prendre un moment pour aller là-bas. Pourquoi pas faire un voyage en deux fois, tu vois? Au lieu d'aller directement à Kinshasa, tu vas d'abord au Maroc, tu restes, je sais pas, une semaine, 15 jours, et après tu vas à Kinshasa. Franchement, le Maroc, je suis sûr que tu vas en tomber amoureux. Tout le monde tombe amoureux du Maroc, vraiment. C'est clair et net. Et puis, je sais que Je sais que, genre, moi, mon cousin, il a été, il a fait un truc, genre, en mode voyage, camping dans le désert et tout. Il m'a dit, il a kiffé. Tu sais, j'ai des amis qui vivent là-bas, quand ils m'envoient les photos, ça a l'air vraiment beau et tout. Donc, non, non, non, vraiment, c'est sur ma to-do list, le Maroc. La Tunisie aussi, ça a l'air de ouf. Ouais, bah ça se ressemble beaucoup. Le Maroc et la Tunisie, c'est, il y a vraiment beaucoup de similitudes et c'est un de mes pays prévus en fait. Bah, quand tout reprendra, j'aimerais bien y aller. Et d'ailleurs, le Congo également, hein, parce que je voulais aller jouer là-bas et tout. J'ai quelques contacts là-bas pour essayer d'aller jouer. Je pense, enfin, j'aimerais bien faire un kiff vraiment. Ce serait d'aller faire des scènes un petit peu dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, tout ça, le Congo, parce que il y a vraiment une vraie vie de l'humour là-bas. Et encore, je ne connais pas les autres pays, hein. Je suis sûr que je rate plein d'infos, mais vraiment, je suis sûr que je peux passer un super moment là-bas. Le public est là, il est en demande de rire. Nous, on est en demande de jouer. Donc, franchement, c'est dans mes projets. Inch'Allah, comme on dit, j'espère pouvoir aller jouer dans les pays d'Afrique et tout. J'ai déjà joué au Maroc, j'ai eu cette chance, mais je n'ai pas pu aller faire d'autres pays. Bah, j'espère que j'aurai cette occasion bientôt. Mais le seul pays d'Afrique où est-ce que j'ai été jouer, parce que même au Congo, j'ai pas pu jouer parce que à cause du, il y avait un couvre-feu, donc ça servait un peu à rien de faire des soirées d'humour, donc il y avait rien qui se faisait en humour à ce moment-là, donc j'ai pas eu l'occasion, mais ouais, le seul pays d'Afrique en fait dans lequel j'ai joué, c'est l'Afrique du Côte Sud. d'Ivoire. Non, Ah, de l'Afrique. l'Afrique du Sud. Ah Ah oui, ouais. parce que j'allais dire la Côte d'Ivoire, c'est là où ça va à fond, quoi, au niveau humour et tout. Ouais, je sais, Franchement, dans le ah oui. francophone, vraiment, ouais, c'est ils sont D'accord. top. Mais Et donc l'Afrique du Sud, ah oui, bah oui, c'est le pays de Trevor Noah et tout. Il y a vraiment du lourd là-bas niveau humour. Moi, j'ai été très surpris en regardant Humoristes du Monde. Tu vois, il y avait des humoristes de quasiment tous les pays, enfin de pas de tous les pays du monde, mais il y en avait vraiment beaucoup et ça m'a fait plaisir. Je crois qu'il y avait l'Afrique du Sud aussi dedans et c'était vraiment. un des gars qui est dedans qui s'appelle Loïs Ogola, c'est un peu à travers lui que je me suis ramassé. En Afrique du Sud, en fait. Après ma période de corpo, j'étais comme, ah, vas-y, genre, je suis épuisé et tout. Vas-y, j'ai besoin de vacances. Là, je lui passe un coup de fil. Puis, tu sais, à l'époque, lui, il avait une émission de télé en Australie. Donc, je croyais qu'il était en Australie. Et il me dit, non, D'accord. non, il me dit, non, je suis à Cape Town en ce moment et tout. Je fais, il Ah. dit, vas-y, j'ai besoin de vacances. Dit, bah, vas-y, viens, let's go. Et Ah, bah super. j'ai pris mon billet d'avion. Je suis arrivé là-bas et tout. Après, tu sais, je suis arrivé et puis après, quelques jours après, tu sais, j'avais pris mon appart et tout. Mais quelques jours après, lui devait faire un pilote. Il devait tourner un pilote à Johannesburg. Tu vois? D'accord. Et il m'a dit, ouais, il faut que j'aille à Johannesburg vite fait pour tourner un pilote et tout. Je fais, OK, cool, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, il m'a laissé avec ses potes, ses contacts, c'est devenu mes potes et tout. Puis après, j'ai commencé à jouer, j'ai fait des shows et tout. Et l'année suivante, après, je suis parti pour le festival de Johannesburg aussi, on a fait un truc télé, tout ça, c'était pas mal. Ah, c'est génial. Ah oui, Loïs Ogola, oui, j'ai vu que il venait de sortir son special sur Netflix là. Ouais, j'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais ouais, on learning. Pareil, je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore regardé et je pense que je vais y aller là. Tu m'as motivé. Merci beaucoup, Eddy, pour toutes ces histoires et toutes ces anecdotes. Merci beaucoup, vraiment. Le plaisir était partagé. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, c'est simple, c'est Facebook, Instagram. Facebook, c'est Eddie King ou I Love Eddie King. Et Instagram, c'est I Love Eddie King. C'est vraiment ça. D'accord, ok. Tu as une chaîne YouTube ou Twitter? Je suis pas sur Twitter parce que Twitter, c'est une sauvagerie. C'est vrai Je suis sur que. Twitter, mais sans être sur Twitter pour de vrai. Hey, je regarde des fois les embrouilles qu'il y a sur Twitter. Je fais, vas-y, laissez-moi tranquille. Tu J'avoue que c'est le mal. Ce réseau-là, c'est le mal. Ah non, c'est trop. Je suis sur, mais je suis sur Clubhouse par contre. Clubhouse, je suis souvent là. Ah, Clubhouse, d'accord. Okay. Oui, c'est le nouveau truc. J'en ai entendu parler l'autre jour et malheureusement, je ne peux pas encore y accéder parce que je ne fais pas partie de la caste des gens qui possèdent un iPhone. Ah donc voilà, c'est ça. Mais tu vois, je ne suis pas riche, hein, je suis désolé. Hein, donc voilà, tu auras appris deux choses sur les Marocains, hein, c'est que le pays est pourri et qu'on n'a pas d'iPhone. Voilà. N'importe quoi. Bon, en tout cas, merci Merci beaucoup en beaucoup. tout cas. Avec grand plaisir. Je mettrai les liens dans la description. Tu as un site officiel, peut-être? Ouais, c'est eddyking.net. Ok, bah, je mettrai ça alors également. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.